Pour vos différentes pièces automobiles, c'est l'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa qu'il faut voir. Une équipe chevronnée, d'expérience, avec des prix imbattables. Pièces Auto La Voix Baudry Napa, 890, 3e rue Chibougamo, 418-748-6426. L'équipe de Pièces Auto La Voix Baudry Napa de Chibougamo souhaite une bonne saison à tous les golfeurs. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamo qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamo est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamo est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. On va parler de golf, la chronique du club de golf de Chibougamo qui est une commandite, évidemment, du club de golf et autopièces Napa de Chibougamo. On va parler avec Michel Lallemand. Salut Michel! Bonjour Denis! Michel, on va évidemment parler, comme on le fait toutes les semaines, avec Pierre-Alexandre Bédard. Pierre-Alexandre Bédard qui est à Calgary cette fois-ci, et ça a quand même bien été cinquième au niveau national. Oui. C'était un championnat national. Dans le fond, chaque province envoyait 4 golfeurs professionnels. OK. Et dans les 3 premières journées, il additionnait les 3 meilleurs pointages des 4 golfeurs. OK. Donc, en équipe, ils ont fini haut la main à moins 31, alors que la deuxième province, qui est la Nouvelle-Écosse, ont fini à moins 4. Okay. Donc, ils ont gagné par 27 coups. Individuellement, Pierre-Alexandre, malgré qu'il a fini hier plus 1, ça lui a permis de finir 5e avec un cumulatif de moins 10. T'es très, très bon, encore une fois, cinquième. Il doit être content. Je vais essayer d'y parler la semaine prochaine. On a tellement d'affaires à se dire. Il y a tellement de sport. C'est le pire temps, là, pour le sport. Il y a du sport partout. Mais je vais essayer de, évidemment, le hockey, le golf. Donc, tout se croise en même temps. C'est pour ça. Mais je vais essayer d'y parler, très, très prochainement. Donc, il doit être content, sûrement, hein? Ah, il doit être certainement très, très content. Ouais. Parce que, après 3 journées, il était deuxième à 3 coups de la tête. OK. Donc, ça avait super bien décollé. Puis hier, ben, probablement que ça a été un petit peu plus difficile. 73. Mais il doit certainement très, très, très heureux de sa performance. Hey, j'ai repensé à ça. Notre discussion, Michel, l'autre fois, là. Puis, tu sais, Pierre-Alexandre, là, il va peut-être gagner 50, 60 000 par année, éventuellement. T'sais, moi, je pense pas qu'il a assez à PGA, mais tout ça. Mais, tu sais, quand on parlait de la relève du club de golf de Chibougamo, là, vous pourriez pas le prendre quand même dans les écoles, dans les polyvalents, puis faire des petites cliniques avec lui. Ça me semble que ça pourrait être bénéfique pour le club. Puis je suis certain que Pierre-Alexandre aimerait ça. C'est une idée que je vous lance comme ça. Là. Sa problématique, c'est qu'il n'est pas ici durant l'été. Non, mais l'hiver, là, l'automne, là, l'automne, vous pourriez. Ah, c'est vrai. Oui, mais tu sais, dans les écoles comme telles, là, c'est un sport extérieur, c'est à l'extérieur. C'est vrai. Il pourrait aller faire des cliniques. C'est sûr qu'individuellement, il pourrait aller faire des rencontres de motivation puis de développement de la personne. Faire parler du club de golf un peu. C'est une très, très belle personne comme telle, Pierre. Mais au niveau du développement du golf, ce qui serait l'idéal, ça serait de l'avoir ici pour un fin de semaine, puis avec des rencontres avec des jeunes, puis des cliniques, puis des montrer des performances, puis des choses comme ça. Mais son programme est tellement serré, cadré, que sa disponibilité est minime au niveau de la saison de golf. La saison est tellement courte que quand il réussit à venir 2-3 jours, il est bien content puis il vient faire un petit saucette à Chibougamo, mais c'est vraiment minime. Là, Là il se passe quoi avec au cours des prochaines journées? Là? J'ai oublié de te demander ça en dehors des ondes. Fait qu'il va se passer quoi? On parle de journée, Danny, parce que chez nous, ça finit dimanche. OK. Fait que la semaine prochaine, on va faire le bilan. Là. Oui. Nous, samedi, c'est le tournoi du président. Okay. C'est un tournoi en équipe de 2 par classe. On attend 50 à 60 joueurs. C'est une formule amicale. Donc, qui va nous permettre de tirer un trait sur la saison. À partir de lundi, le parcours va demeurer disponible pour toute la population. C'est gratuit, c'est accessible. pour aller jusqu'à l'action de grâce. Mm. Puis après l'action de grâce, on pique les verres, on met les engrais, puis troisième semaine d'octobre, d'habitude, on commence déjà à mettre les toiles parce que les bordées de neige vont venir, puis des fois aussi rapidement qui était arrivé l'année dernière. Ben oui, fait que on va suivre ça. Donc la semaine prochaine, c'est le dernier bilan. J'imagine que bon, on va sur le bilan, mais du côté de l'achalandage, ça a été pas si pire ou? Ça a été difficile. La saison est difficile. Mm. Beaucoup de pluie, beaucoup de températures basses. Mais comme je te disais souvent dans nos chroniques, chez nous, c'est moins catastrophique qu'un terrain qui anticipe 150 000 en permis journalier, puis il en manque un tiers. Okay. Chez nous, il en manque un tiers, il va manquer 400 000. Mm. Fait que c'est moins dommageable au niveau financier, mais c'est plus tranquille au niveau de l'achalandage. OK, OK. Ben Michel, on s'en reparle la semaine prochaine. On rappelle que cette chronique est une commandite de Autopièce Auto Napal de Chibougamau et également le club de golf. Michel, on s'en reparle jeudi prochain pour la dernière. C'est vous, Danny, merci. Directeur général du club de golf, Michel Lallemand.